Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Jeanne Barret, la première femme autour du monde. Rien ne pouvait laisser présager que Jeanne Barret, née en 1740 dans un village de Bourgogne, allait connaître une vie hors du commun. Enfant du peuple, de sexe féminin de surcroît, tout la destinait à la masse obscure des sans-voix de l'histoire. Et pourtant, Jeanne Barret va devenir botaniste et même exploratrice quand, en 1767, déguisée en homme, les seins bandés sous son habit de valet, elle embarque avec Bougainville dans son voyage autour du monde. Difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'a pu éprouver Jeanne le 1er février 1767 quand l'expédition a quitté le port de Brest. De la peur sûrement, car c'est un grand voyage vers l'inconnu et elle le sait, elle risque gros si elle est découverte. Mais surtout, sans nul doute, un immense sentiment de bonheur et de liberté. Soif d'aventure et curiosité scientifique comme l'éprouvent tous les grands explorateurs. Des hommes qui laissent souvent derrière eux une femme éplorée, la Paimpolaise qui l'attend au pays breton, comme le dit la chanson. Mais avec Jeanne Barret, c'est un peu comme si la Paimpolaise avait décidé de ne plus attendre et d'y aller voir elle-même de l'autre côté du monde. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Christelle Mouchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancière, auteur de nombreuses biographies consacrées à des femmes, femmes aventurières. On se souvient que vous étiez venue dans cette émission nous parler de l'anglaise Gertrude Bell, notamment. Alors, c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, consacrée à Jeanne Barret, une femme qui occupe une place particulière, je pense, dans l'histoire des femmes aventurières. Oui, tout à fait, parce que les autres, la plupart des femmes auxquelles je me suis intéressée, ont laissé des écrits. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Jeanne, finalement, c'est moins ce qu'elle a vécu, car peut-être d'autres femmes ont vécu ce qu'elle a vécu. Mais c'est qu'on est sorti de l'anonymat, cette femme du peuple, qui effectivement a accompli ce geste incroyable de décider d'embarquer dans un bateau composé uniquement d'hommes, de se cacher, de prendre des risques non seulement des risques physiques de l'exploration du voyage maritime, mais aussi des risques sociaux absolument énormes. Ça aurait pu être très grave pour elle. Alors, l'histoire que je vais raconter s'étend entre 1764, année de la rencontre entre Jeanne Barret et le botaniste Philippe Commerson, et 1773, plusieurs années après leur grand voyage, quand Commerson meurt et que Jeanne s'apprête à rentrer en France. Donc, cette époque, nous sommes sous le règne de Louis XV, c'est l'époque des philosophes et des grandes explorations. Oui, alors c'est le règne de Louis XV et c'est donc la fin d'une guerre qui a duré 7 ans. Et qui nous a valu de perdre le Canada, ce qui n'est pas neutre dans l'histoire. Mais c'est aussi et surtout effectivement une période d'effervescence intellectuelle extraordinaire. Nous sommes vraiment à l'apogée des Lumières. Il y a une curiosité scientifique qui s'exerce tous azimuts. D'un côté, on a les philosophes et l'encyclopédie, et de l'autre, on a aussi Rousseau et cette idée toute neuve qu'il formule « l'homme est bon, c'est la société qui le pervertit ». Tout ça, c'est un cadre qu'il va compter énormément dans le déroulement du voyage de Bougainville et de Jeanne. Est-ce que cet esprit des Lumières atteint aussi un peu le peuple à cette époque-là? Alors oui, moi je ne m'en étais pas rendu compte et en fait en regardant surtout l'histoire de Commerson et d'autres, on se rend compte que les Lumières n'ont pas été réservées à des cercles d'intellectuels parisiens. N'importe quelle personne un petit peu éduquée pouvait être intéressée et s'est passionnée surtout pour Rousseau et pour l'encyclopédie. Et c'est aussi pour ça, ça explique beaucoup cette curiosité scientifique et qui a touché aussi beaucoup de femmes. Ce qui n'a pas été le cas au 19e siècle. On est vraiment un phénomène extraordinaire. Les femmes se sont intéressées à la science et beaucoup d'entre elles se sont mises à étudier les sciences. C'était vraiment une période extraordinaire de ce point de vue. Donc Commerson et Jeanne Barret sont des botanistes, enfin Commerson d'abord et Jeanne Barret, elle apprend avec lui. La botanique est une science en pleine expansion au XVIIIe siècle. En fait, toutes les sciences sont en expansion et tout ce qui touche particulièrement à la géographie, à l'étude de la terre, des animaux et des plantes. Et effectivement, de même que beaucoup de gens et de femmes regardent les étoiles, étudient l'astronomie, on herborise, on fait des herbiers, on les étudie l'étudie, on en parle, et on commence à construire de grands systèmes scientifiques qui vont demeurer. Alors dans l'histoire de Jeanne Barret, il y a un autre personnage qui va jouer un rôle extrêmement capital, c'est Louis-Antoine de Bougainville. C'est lui qui, en 1766, donc après avoir convaincu le roi, entreprend son expédition autour du monde. Alors quel était l'objectif de ce voyage, scientifique ou politique ? Alors en fait, le point de départ est politique. Parce que, comme je l'ai dit, on était à la fin de la guerre de 7 ans. Et Louis-Antoine de Bougainville s'était battu au Canada. C'était fort bien battu. C'était un officier extrêmement méritant. Et à la fin de la guerre, il avait imaginé de gagner à la France une autre colonie, puisque le Canada était perdu. Et il avait, en quelque sorte, conquis les îles Malouines. Et il pensait y faire venir les Acadiens, chassés par les Anglais. Les îles Malouines, donc, qui sont au sud de l'Amérique du Sud. Voilà, exactement, les Falklands. Bon. Mais là encore, il est tombé sur un débat géopolitique dont il a été un peu victime. Et donc, du coup, c'était assez humiliant pour lui, parce qu'on lui a refusé, en quelque sorte, cette colonie. Et qui est revenue aux Anglais. Qui est revenue aux Anglais. Et pour compenser, Louis XV lui a proposé de prendre la tête de la première expédition française officielle du roi autour du monde. Ça, donc, c'était un titre de gloire qui correspondait aussi aux aspirations de Bougainville, qui avait une formation de géographe et qui entrait dans un débat très d'actualité. C'était la recherche de la Terre australe. Donc, ce voyage se déroule dans ce cadre-là. Mais à cette époque-là, les Français sont un peu à la traîne. Il y a déjà eu des voyages autour du monde de la part des Espagnols. Tout à fait. Oui, oui. Et on a perdu, on a quand même perdu la face aux Anglais dans la guerre de 7 ans. Donc, il y a aussi une sorte de revanche politique, diplomatique à prendre face aux Anglais. Et c'est l'époque où, quand une expédition part comme ça, à travers les mers, on s'arrête quelque part, on donne un nom à cette île, et puis on se l'approprie, qu'on se pose même pas de questions. Alors, on n'est pas encore vraiment dans la conquête coloniale. D'ailleurs, c'est très intéressant, les grands voyageurs de cette époque-là, qu'ils soient d'ailleurs français et anglais, mais surtout français, sont quand même extrêmement attentifs et respectueux, contrairement à ce qui va se passer plus tard, des populations. Hein, est-ce que c'est grâce à Rousseau ? En partie, effectivement. Rousseau et Diderot, en fait, on va dire les deux côtés de ce mouvement d'idées qui relativise beaucoup les mœurs les unes par rapport aux autres et qui enseigne le respect, la tolérance et qui accepte l'autre, en fait. Ça se sent dans les journaux de voyage, y compris de Bougainville, et aussi le mouvement des francs-maçons qui a énormément compté chez les marins au XVIIIe siècle. Alors Christelle Mouchard, je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Jeanne Barret, la première femme autour du monde, un texte de Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Je n'arrive pas à y croire. 32 caisses remplies de fleurs séchées, proprement collées sur du papier, avec leur nom savant écrit à la plume. Ah, Philibert, maintenant que tu n'es plus là, que restera-t-il de tout ce travail ? Peut-être tout de même cette jolie petite fleur rose que tu as appelée Bougainvillier, ou celle que tu as appelée Hortensia. Au fait, qui est cette Hortense ? Tu ne me l'as jamais dit, vieux libertin. Ça ne fait rien. Je ne t'en veux pas. Tu ne m'as jamais promis le mariage et ce que j'ai fait, je me suis toujours sentie libre de le faire. Mais maintenant, c'est fini. Adieu les fleurs. Adieu Philibert. Bonjour l'avenir. Mars 1773 à Port-Louis, dans ce qui est aujourd'hui l'île Maurice. Jeanne Barret fait embarquer à destination de la France les collections soigneusement emballées de Philibert Commerson. Le botaniste vient de mourir, et sa servante, puisqu'elle n'est officiellement que sa servante, accomplit ainsi un dernier devoir avant de commencer sa nouvelle vie. Étrange couple que celui-ci. Jeanne Barret et Philibert Commerson se sont rencontrés 9 ans plus tôt dans une petite ville du Charolais. Jeanne avait alors 24 ans. Philibert était un veuf, encore jeune, dont l'épouse venait de mourir en couches. Jeanne cherchait un emploi et il avait besoin d'une gouvernante pour son enfant orphelin. Ainsi est-elle devenue domestique. Philibert, lui, est médecin. Sans enthousiasme, car sa vraie passion, c'est la botanique. Son premier herbier, il l'a commencé à l'âge de 15 ans. Et depuis, il ne cesse d'enrichir ses collections en courant la campagne dans toutes les régions de France. Parfois au risque de sa vie. On dirait, ma foi, une sélaginella. Il me la faut. Là, là, ça y est, je l'ai... Jeanne! Jeanne, vous êtes là, Jeanne? À l'aide! Monsieur Gomesson? Comme vous voilà accroché! Donnez-moi la main! Mais l'enfant est tout seul, endormi dans le pré! Vous voyez bien que je vais tomber dans l'eau! J'arrive! Mais ça va faire mal, hein, je vous préviens! Vous êtes suspendu par les cheveux! Attention! J'y vais! Vous êtes tout écorché. Votre jambe qui saigne. Ouh, la vilaine plaie. Et vos cheveux à moitié arrachés. Eh bien, vous en avez une allure, monsieur le naturaliste. J'étais en train d'attraper un genre de fougère. C'est un gîte tout à fait intéressant, mais j'ai glissé, j'ai voulu me rattraper aux ramures du saule et voilà, je me suis retrouvé accroché comme un pantin. J'ai vu ça. Et ça vous fait rire? Pardi, oui, puisque vous êtes sauf. Notez que cet arbre vous a gentiment sauvé de la noyade. Ah oui, c'est vrai. C'est pourtant vrai, je lui dois la vie, dire que je n'ai pas pensé à le remercier. Enfin, c'est pas une raison pour vous moquer de moi. Vous êtes bien impertinente, ma fille. Pardon, monsieur, c'est plus fort que moi. Appuyez-vous sur mon bras et asseyez-vous sur cette souche. Je vais nettoyer la plaie. Eh bien, pour une promenade familiale, c'est réussi. Que voulez-vous? Vous ne pouvez pas vous empêcher d'herboriser. Aïe! Allongez la jambe. Aïe. Doucement. Je vais découper votre bas. Et la fougère, alors? Quoi, la fougère? Eh bien, cette plante pour laquelle vous avez failli vous casser le cou. Ah, la fougère. Je n'ai pas pu l'attraper. Et maintenant, avec ma jambe blessée, c'est pas demain la veille que je pourrai revenir. Bon, tant pis. Pourquoi tant pis? Je vais y aller, moi. Vous? Moi? Regardez, j'ai le sens de l'équilibre. Ça m'amusera plus que de vous soigner. Il ne suffit pas d'avoir de l'équilibre, Jeanne. Il faut savoir quoi ramasser. Je connais les plantes, vous savez. Je regarde vos herbiers de temps à autre. Comment vous faites ça? Vous passez la mesure, Jeanne? Je n'abîme rien. Au contraire, je range un peu, car soit dit en passant, elles sont bien en désordre, vos affaires. Je vous ai engagé pour veiller sur mon fils, pas pour fouiller dans mes affaires. Je sais, mais j'aime ça. Toutes ces plantes. Oh, monsieur Commerçon, quand vous revenez avec l'odeur de l'herbe sur vos habits et tous ces petits trésors dans vos paniers, eh bien... Vrai, ça me fait envie. Ça vous fait envie vraiment? Oui. Ces noms en latin sur vos herbiers, c'est comme un code secret, non? Oui, un code secret. Le mot est juste. En fait, Jeanne, toute la nature est un code secret. Regardez autour de nous. Vous ne voyez qu'une prairie, hein, du vert, mais il y a là 200 ou 300 espèces de plantes différentes. C'est merveilleux. Tiens, j'y pense. Laissez-moi aller vous chercher, là-bas, derrière ce rocher, une curieuse graminée que j'ai vue. D'un vert presque bleu, très dru. Un vert presque bleu, très dru, Festuca glauca ou Amestitina, mais elle est rare dans cette région. Montrez-moi cela. Oh, il est réveillé, quel guigne. Qui ça? Ah oui, ah l'enfant, mon Dieu, allez vite, l'enfant avant tout. Oui, bien sûr, l'enfant avant tout. Mais je peux revenir demain, vraiment, je vous assure. Ma foi, si cela vous chante, vous prendrez mon panier, des feuilles de papier, et moi, je vous montrerai comment faire. Oh, merci, monsieur Commerçon, merci. Bon, en attendant, il faut que je change la couche. Drôle de fille. Ah, elle n'est pas faite pour être gouvernante, je le crains. Je devrais peut-être la congédier, mais elle est si pleine de curiosité, de gaieté. Est-ce qu'elle n'essaierait pas de me séduire ? Non, on ne peut pas dire que ce soit une coquette. Hein, non. Elle n'est pas belle. Non, pas belle. Même pas jolie. Quoique, elle n'a pas beaucoup de gorge, mais ses joues fraîches, ses taches de rousseur, ses yeux vifs, c'est une petite fleur des champs. On ne la remarque pas jusqu'à ce qu'on mette le nez dessus. Philibert Commerçon ne va pas tarder à mettre le nez sur la petite fleur des champs. Séduit par la fraîcheur de Jeanne, il l'est aussi par sa soif de connaître, lui qui aime tant parler de sa passion et l'enseigner. Sa servante devient vite son élève préféré, puis une aide botaniste efficace et finalement son amante. Dans la petite ville étriquée où ils vivent, l'affaire fait scandale. Le couple s'exile alors à Paris, laissant l'enfant à la garde d'un oncle. En 1764, il est installé rue des Boulangers, tout près du Jardin du Roi, le futur Jardin des Plantes. Pour Philibert Commerçon, ce déménagement est le début d'une nouvelle carrière. Grâce à l'astronome Jérôme de Lalande, un ami de jeunesse, il entre en contact avec les savants de son temps. Je vais ouvrir. Jeanne, tire les rideaux du lit qu'on ne te voit pas. Je sais, ne t'inquiète pas, je me cache. Ah, Jérôme, pardonnez mon intrusion à cette heure. Ah, Jérôme, vous serez toujours le bienvenu. Un verre de vin ? Oui, merci. Cher ami, je suis venu vous annoncer une grande nouvelle. Dites-moi que j'entre à l'Académie des sciences. Mieux que ça. Ah non, il n'y a pas mieux. Pour moi, voyez-vous, ce serait le couronnement de toute une vie de recherche. Toute une vie ? Non mais vous parlez comme si elle était terminée. Au contraire, elle commence. Vous savez en quels termes j'ai parlé de vous au ministre de la Marine ? Eh bien, figurez-vous que le duc de Pralin a parlé à son tour au roi. Au roi ? Et pourquoi ? Pour une pension ? Mieux encore. Il a pensé à vous pour faire le tour du monde. Pardon ? Je ne comprends pas. Vous connaissez Monsieur de Bougainville ? Oui, de nom. C'est un seigneur de la cour, je crois, un officier qui a combattu les Anglais au Canada. C'est lui. Eh bien, figurez-vous, le roi vient de lui confier, emphatique, la première circumnavigation officiellement française, une expédition si grande et si prestigieuse que le nom de Bougainville y restera attaché à jamais. Je commence à comprendre. Voilà, car vous imaginez qu'il y aura à bord... Un botaniste. Vous vous rendez compte ? Un tour du monde de découverte sur les vaisseaux du roi ? Ma foi, c'est un grand honneur, mais j'ai besoin d'un verre, là. Excusez-moi. Jérôme, je vous dois un aveu. Je n'ai plus la santé. Oui, c'est la rançon de mes courses à travers les montagnes. Hein. Mes herbiers m'ont coûté mes forces. Je ne voudrais pas qu'elles me coûtent ma vie. Et la gloire, commerçant. La science, le soleil de la raison, peuvent-ils souhaiter de meilleurs ambassadeurs que vous dans les mers du Sud ? Imaginez. Vous allez à la rencontre d'hommes qui ignorent tout de nos rois et de nos jésuites. Vous ferez œuvre de philosophe autant que de savant. Oui, bien sûr, Jérôme, mais ce sont plusieurs années de voyage, ce sont des tempêtes, des maladies. Et vous savez que j'en serai de ma poche, ça, à coup sûr. Soyez sans crainte. Nous mettrons tout en œuvre pour que vous ne manquiez de rien. Et à votre retour, vous aurez une pension. Allez, Philibert, trinquons à la science. À la science. Un tour du monde ? On lui propose de faire un voyage autour du monde et il hésite. Je ne peux y croire. Des terres nouvelles, des peuples inconnus. Philibert, c'est une telle chance pour nous. Pour nous. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Pour lui, pas pour moi. Oh, c'est trop injuste. J'en rêve et lui, il en a peur. Et si... Allez, je vous laisse réfléchir. Il me faut votre réponse avant 3 jours. Vous l'aurez, cher ami. Je vous suis tellement reconnaissant d'avoir songé à moi pour cet honneur. Philibert. Jeanne. Oh, Jeanne, je t'avais oublié. Et si je t'accompagnais ? Mais de quoi parles-tu ? Du tour du monde, que tu vas faire, évidemment. Et pourquoi, évidemment ? Mais voyons, tu dis toi-même que le catalogue de Linné est terriblement incomplet, que des milliers d'espèces nouvelles attendent d'être découvertes. Oui, tu as raison. Je ne peux pas refuser. Bon, il n'empêche, j'ai mal partout. Et puis, comment vais-je faire sans toi, hein? Je ne peux plus me passer de toi, Jeanne. Enfin, je veux dire... En tant qu'aide botaniste, j'ai bien compris. Oui. Je ne m'attends pas à une déclaration d'amour. Sans toi, mes collections ne sont qu'un grand désordre. Donc il faut que je vienne avec toi. Non, ça, ce n'est pas possible. Les femmes sont interdites à bord des navires du roi. Monsieur de Kerguelen a payé cher d'avoir contrevenu à cette interdiction. Ah bon ? Il me semble qu'il avait été puni pour avoir fait croire qu'il avait découvert un continent fabuleux, alors qu'il n'avait entrevu que quelques méchants récifs. Oui, aussi, oui, mais surtout, il a été accusé d'avoir emmené une catin dans sa cabine. Je ne suis pas une catin. Je travaille, et même dur. Je n'imagine pas d'expliquer cela à Monsieur de Pralin, ma pauvre Jeanne. Oui, je comprends. C'est trop bête. Ah oui, c'est bête. Je vais devoir te laisser seule ici, avec mes herbiers. Peut-être pour toujours. Car je n'en reviendrai pas, je le sens. Tiens, donne-moi du papier. Ceci est mon testament. C'est le 15 décembre 1766 qu'ayant accepté d'embarquer, Philibert Commerson signe son testament. On peut y lire sans surprise qu'il lègue tous ses biens à son fils. Mais il n'oublie pas Jeanne. Non seulement il lui réserve la belle somme de 600 livres, mais il lui laisse la jouissance de son appartement. Plus étonnant quand on connaît la suite de l'histoire, il stipule dans un post-scriptum qu'il la charge en son absence de mettre en forme ses collections d'histoire naturelle et de les porter au roi en cas de décès. 3 jours plus tard, Philibert est à Rochefort, où le vaisseau du roi, l'Étoile, attend d'appareiller. François Vivez, le chirurgien-major, est là pour l'accueillir à bord. Attention! Je sais, c'est très encombré. Là, prenez l'échelle de descente. Attention, la tête! Aïe! Pardonnez-moi, je ne connais rien à la marine. Vraiment? Eh bien, sachez qu'on a fait aménager pour vous la chambre du conseil en cabine particulière. Bien. Vous y serez le mieux logé d'entre nous, et de loin. Monsieur de Bougainville, à tous les égards, pour moi, je lui en suis bien reconnaissant. Le navire est surchargé. Nous emportons 9 mois de vivres. 22 barriques d'eau arrimées sur le pont. Des moutons, des bœufs, de la volaille. Et en plus de tout cela, une machine à distiller l'eau de mer que nous expérimentons, et qu'il faudra alimenter en bois de chauffage. C'est pourquoi nous avons ce tas de bois qui monte jusqu'à la dunette. Ce n'est pas dangereux, ça? Oh, si. Mais c'est notre raison d'être. L'Étoile n'est que le navire transporteur de l'expédition. Nous sommes chargés d'apporter les vivres à Monsieur de Bougainville, qui nous attend en Amérique, sur la frégate La Boudeuse. Mais nous continuerons de conserve après cela, n'est-ce pas? Certes. Nous devons prendre le détroit de Magellan, puis ce sera le Pacifique jusqu'à Java et l'océan Indien. Avec 9 mois de vivres? Et il faut compter sur les escales pour le reste. Mais qu'avez-vous? Non, rien. C'est juste que j'ai cru voir quelqu'un que je connais. Tout ça à bord? Oui, oui, ce garçon qui arrive, il ressemble à un ami, mais non, je me suis trompé. C'est un valet, à voir son costume. Il est bien petit et bien frêle, ce garçon. Quelle drôle de figure, avec cette tache de rousseur. Monsieur Commerson, j'ai bien l'honneur. Je suis Jean Barret, votre valet de chambre. Mon valet? Non, j'ai engagé personne, vous devez vous tromper, jeune homme. Mes gages sont payés sur les frais de l'expédition, monsieur. Un valet personnel sur les frais de l'expédition? Décidément, monsieur Commerçant, vous avez toutes les faveurs. Oh, je ne suis pas que valet. En fait, je suis surtout aide-naturaliste. Et comment êtes-vous arrivé ici, monsieur l'aide-naturaliste? C'est simple. Quand j'ai su qu'on cherchait quelqu'un pour embarquer autour du monde avec un savant botaniste, je l'ai fait savoir au ministère. Monsieur, je voulais tellement partir. Ça, je n'en doute pas. Bon, allons chercher mes bagages, mon garçon. Un valet, rien que ça. Est-ce que j'ai un valet, moi? Ah non, je ne suis qu'un petit chirurgien de marine, il est vrai. Pas un naturaliste du roi. Enfin, Jeanne, quelle folie. Quoi? Tu n'es pas content de me voir? Si, ah si. Enfin, non, mais ma foi, j'en sais rien. Comment vas-tu faire? C'est impossible. Regarde, j'ai bandé ma poitrine, on ne voit plus rien. Et puis je suis forte, tu le sais, je peux travailler comme un homme. Tout de même, les risques sont terribles. On va à la Bastille pour moins que ça, Jeanne. Si je suis découverte, je dirais que tu ne me connaissais pas, que c'est moi qui t'ai trompée, que tu ne savais rien. Oui, mais il faudra que tu ailles dormir dans le gaillard d'arrière avec les hommes d'équipage. Et comment te laveras-tu? J'y ai pensé. Tu diras que tu as le mal de mer et qu'il te faut ton valet pendant la nuit. On s'habituera. On ne te refuse rien, tu l'as vu. Voilà. C'est dangereux, mais bien tentant, ma petite Jeanne. Viens. Viens là que je t'embrasse. Et oh, pas de ça avec moi, hein, monsieur. Je suis pas de ce genre-là, moi. Je suis un honnête gars. L'Étoile prend le large en février 1767. Comme prévu, Philibert Commerson est aussitôt terrassé par le mal de mer et obtient sans discussion de garder son valet dans sa cabine. 5 mois plus tard, ils rejoignent Bougainville au Brésil, dans la baie de Rio de Janeiro. Pour les deux naturalistes, l'arrivée dans le Nouveau Monde est une révélation. Quatre heures que nous marchons. Avec les paniers, le matériel, j'ai les pieds en sang. Les bras qui tremblent. Ce n'est pas que je me plains, je ne fais rien que ce que je veux. Et puis ici, c'est le paradis terrestre. On ne sait plus où donner de la tête avec toutes ces plantes, ces fleurs, ces lianes. Tant pis pour la fatigue. Je suis bien comme Philibert, tiens, avec sa fureur d'herborisée. Mais comment se contenir quand chaque pas est payé d'une découverte? Ouh, la pirogue. Enfin, je ne suis pas fâchée de rentrer tout de même. Dépêche-toi, Jeanne, rame. Je ne veux pas qu'on me voie. Je t'ai promis de rester à bord. Raté. Non seulement monsieur de Bougainville est déjà levé, mais il nous surveille à la lunette. Tiens, l'homme, il a des yeux partout. Allez, allez, rame, oui, rame. Vous êtes le premier, mon maître. Je m'occupe des paniers. Oui. Monsieur Commerçon, il me semblait qu'on vous avait interdit de descendre à terre aujourd'hui. Monsieur de Bougainville, j'ai un cadeau pour vous. N'essayez pas de m'adoucir. Regardez votre jambe. Votre pansement est encore percé. Monsieur Vivès dit que vous risquez la gangrène si vous continuez comme ça. Je ne sens rien, vraiment. Regardez plutôt ce que nous avons trouvé. Jean, Jean, montre. Tout de suite, monsieur. Allez. Attendez. Voyez. Eh bien quoi? Une petite fleur rose avec 3 points blancs de rien du tout au milieu. Elle est bien jolie. Mais vaut-elle de perdre votre jambe, monsieur Commerçon? Si elle le vaut. Tout à fait. Regardez bien. Ce ne sont pas les pétales qui sont roses, ce sont les bractées, l'extrémité des rameaux. Et la liane qui les porte grimpe si haut que certains arbres en sont couverts jusqu'à leur cime. Moi, qui en suis le découvreur, j'ai l'honneur de lui donner le nom de Bougainvillea spectabilis. Oh. Bougainvillier. J'apprécie l'hommage et je vous en remercie, monsieur le naturaliste. Mais je vous mets aux arrêts. Pourquoi donc ? Pour vous obliger à guérir. Je ne vois pas d'autre moyen. Et vous n'en sortirez que lorsque cette plaie sera refermée. Comment vais-je faire avec toutes ces plantes nouvelles qui m'attendent? Eh bien, envoyez votre valet. Il semble fort bien se débrouiller. Bien sûr. Si monsieur me permet, je peux y aller seul. Jean, au lieu de mettre ton grain de sel, va donc porter tout cela dans la cabine. Bien, monsieur. Dites-moi, monsieur Commerçon, votre valet... Oui. Vous en êtes content? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, je suis bien reconnaissant au roi de m'avoir donné un aide naturaliste. Et celui-ci, ma foi, est très bien formé. Bien formé, vraiment. Bien formé, oui. Et alors? Est-ce qu'il se doute de quelque chose? C'est à cause de monsieur Vivès, le chirurgien-major. J'ai bien vu qu'il observe mes mains. Elles ne sont pas bien grandes et j'ai beau les noircir, on ne dirait pas des mains d'homme. Et ces questions tous les matins? Vous avez bien dormi, Jean? Votre maître n'a pas été trop malade? Et ce matelot hier qui m'a caressé la joue en me demandant comment je faisais pour me raser si bien? J'ai répondu que je n'avais pas de poils au menton. Un défaut de nature, mais... Qu'est-ce qu'il vaut mieux, qu'il me prenne pour un eunuque ou qu'il prenne Philibert pour un inverti? Une chose est sûre, je dois faire taire les rumeurs. Faire taire les rumeurs, Jean Barret va s'y employer fort bien. Attentif à se faire indispensable, il est toujours volontaire pour les manœuvres, imperturbable dans la tempête, et montre en toutes circonstances beaucoup de virile détermination, ainsi que 2 pistolets accrochés à sa ceinture. tant et si bien qu'il est finalement accepté par l'équipage, malgré son allure inhabituelle. L'expédition quitte Rio, s'engage dans le détroit de Magellan, puis commence la longue traversée du Pacifique. 3 mois plus tard, elle mouille devant une île alors inconnue, Tahiti. Les deux navires ne vont y rester que 13 jours, mais le séjour sera inoubliable. Il marquera non seulement la mémoire des hommes présents, mais aussi, surtout, celle des philosophes qui en liront le récit. Moins pour la beauté du site que pour l'étonnante façon que les Tahitiens ont d'accueillir les nouveaux venus, en les engageant à s'unir en public à des jeunes filles très belles. De tous les témoins de ces scènes inouïes, Philibert Commerçant est le moins surpris, car il a beaucoup lu Jean-Jacques Rousseau. Regarde, Jean, cette nudité, son honte, ses caresses offertes à tous les yeux. On se croirait dans une utopie, et pourtant c'est tout simplement l'homme à l'état de nature avant que la société ne le pervertisse. Allez, Jean, viens danser. Certainement pas. Moi, je vois surtout beaucoup d'indécence là-dedans. De l'indécence, mais pas du tout. Ce que tu vois, Jean, c'est l'absence de préjugés, c'est l'heureux mystère du désir, c'est les 12 impulsions d'un instinct toujours sûr. Mais tu ne peux pas comprendre. Vous êtes si sûr de bien comprendre? Regardez mieux. On déshabille les filles sans leur demander leur avis et on les pousse devant les hommes. Tu vois le mal où il n'est pas parce que tu es formé par l'obscurantisme des prêtres et non pas par la lumière de la raison. C'est certain qu'ils font ça en pleine lumière, vos utopiens. Ça vous fait envie? Tenez, en voilà un qui vient vers vous. Arigivahine ! Va vous offrir sa femme ou sa fille, pour sûr. Ma foi, c'est si gentiment proposé, ce serait discourtois de refuser. Hein. Ah, non, c'est pas vers moi qu'il vient, c'est vers toi. Arigivahine ! Qu'est-ce qu'il me veut? Mais... c'est qu'il me tripote, celui-là. Arigivahine, au tempo. Allez, pas de coquin. Voilà qui est fâcheux. Vahine, femme! Vous ne pourriez pas m'enlever de là, au lieu de vous gratter la tête? Lâchez-moi! Enfin, il se calme. Nous étions bien 30 matelots sur la plage. Pourquoi a-t-il foncé droit sur moi? Monsieur Commerçant! Oui? Figurez-vous que notre nouvelle connaissance que voilà reste avec nous. Son nom est Aoturu. Comment? Aoturu. Aoturu? Il vient jusqu'en France. Il est d'une intelligence rare, savez-vous. Il s'intéresse à tout. Oui. Il veut tout voir, tout apprendre. Vous allez pouvoir le présenter à vos amis philosophes. Ils vont en raffoler. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Corps. Femme. Ne touche pas, Marty. Attends. Maururu. Mais lâche-moi. Qu'il bouge. Cher Aoturu, je vous en prie, laissez donc tranquille notre petit Jean. Ou devrais-je dire notre petite Jeanne? Je peux tout vous expliquer. Tout est de ma faute. Alors, commerçant, qu'avez-vous à dire? Ainsi, monsieur Vivez a vu juste. Vous êtes un débauché. Non. Monsieur Commerçant ne savait rien, je vous le jure. C'est moi qui ai pris ce déguisement. Parce que je voulais faire le tour du monde. Je lui ai menti. Elle dit vrai. Je ne savais rien. Je me suis fait berner. Vous devez me croire. C'est peu crédible. Commerçant, toutes ces nuits... Je ne me déshabille jamais, je vous le jure. J'ai d'ailleurs la peau toute irritée d'être restée emmaillotée comme ça depuis des mois. Mais pourquoi, Commerçant, vous aurait-il emmené si ce n'était pour la bagatelle? Monsieur de Bougainville, enfin, vous avez regardé cette espèce de garçon manqué. Comment vous pensez que... Il est vrai. Avec sa taille rembourrée, ses pantalons taillés dans la toile de tente... Et l'odeur, hein? Son odeur... N'exagérons rien, je ne suis pas si vilaine. Si, vous êtes vilaine, voilà. Vous êtes vilaine, très vilaine. Comment imaginez que j'ai pu vous emmener pour mon plaisir? Oui, je suis vilaine. D'ailleurs, vilaine ou pas, jamais Monsieur Commerçon n'aurait emmené une fille. Vous pensez, un homme si vertueux? Monsieur, vous devez me croire. Si je suis montée à bord, c'est de ma seule volonté. Je commence à vous croire, sur ce dernier point du moins. Et comme je n'ai rien à vous reprocher, je ne peux tout de même pas vous flanquer à l'eau. Alors, je peux enlever tous ces tissus qui me bandent la poitrine? Oui, mais n'enlevez pas vos pistolets. L'enthousiasme d'Aoturu n'est pas passé inaperçu. Vous pourriez subir quelques tentatives... Elle continuera à m'aider, alors. Hein? Vous comprenez, les collections... Vous êtes un vrai mystère, commerçant. Qu'elle fasse donc vos collections, puisque c'est ce qui compte. Merci. En ce qui me concerne, je vais aller observer ces danses un peu plus près. Simple curiosité scientifique, bien sûr. Je vous accompagne. Ainsi, Jeanne poursuit-elle le voyage, toujours habillée en garçon et toujours employée comme aide naturaliste, mais désormais libre de ses mouvements. Les hommes d'équipage, après beaucoup de rires et quelques agressions infructueuses, la voit maintenant pour ce qu'elle est, une gentille fille curieuse de tout et courageuse en diable. L'expédition se poursuit, explore les côtes de Nouvelle-Guinée, passe dans l'océan Indien. Au mois de novembre 1768, elle arrive dans la colonie française de l'île de France, devenue depuis l'île Maurice. C'est là que s'arrête le voyage de Jeanne et de Philibert. 6 ans que nous avons quitté la France. 5000 espèces de plantes récoltées, dont 3000 nouvelles. Et beaucoup de fatigue. Il est temps de rentrer, je le crains. Philibert est à bout. Mais comment payer le passage en bateau ? Il va falloir écrire à la Lande pour mendier le prix du retour. Et si l'argent tarde trop... Philibert avait raison. Ce tour du monde pourrait bien lui coûter la vie. Jeanne ! Jeanne ! Regarde, Jeanne. Encore un terminé. Un quoi ? Un spécimen. Je viens de lui donner son nom. Regarde. Regarde, c'est pour toi. Barretia Quivia. Barretia ? C'est moi, ça ? Oui. Le kiwi de Jeanne Barret. Ça lui va bien, non ? Oui, pourquoi ? Eh bien, d'abord, le kiwi est un arbrisseau charmant que j'ai trouvé dans l'île Bourbon. Et puis, figure-toi qu'il est hétérophile. Il change d'aspect selon son âge. Au début, ses feuilles sont tout ondulées comme une jeune fille en robe de bal. Et puis, elles se transforment. Elles deviennent lisses, en un ovale tout simple, sans fioritures, en vrai garçon. Alors, j'ai pensé à toi tout naturellement. Ah, oh, Philibert, ces deux mots griffonnés en latin sont ma plus belle récompense. Ça rachète tout le reste. Le reste ? Je t'ai donc fait tant souffrir, ma petite Jeanne ? Mais non, tu ne comprends pas. Ce que j'ai du mal à te pardonner, c'est ta lâcheté, voilà. Ma lâcheté ? Moi, je comprends. Mais si tu choisis de me pardonner, Jeanne, fais-le maintenant. Car je ne vais plus vivre longtemps, ma petite Jeanne. Regarde, regarde, j'ai les mains qui tremblent, ma vue qui se brouille. Philibert, Philibert. Aide-moi, aide-moi, je suis très mal, Jeanne. Je suis très mal. Couche-toi là, là, comme ça, c'est... C'est fini. Philibert. Philibert. Dire que je ne saurais jamais si tu m'as aimé. Philibert Commerson meurt le 13 mars 1773 à l'âge de 46 ans. Une semaine plus tard, en France, l'Académie des sciences le nomme associé, sans savoir qu'il ne viendra jamais prendre sa place dans la prestigieuse assemblée. Avant de mourir, le naturaliste n'a pas eu le temps de dresser un inventaire de ses découvertes ni de concevoir un système d'analyse. Il ne reste donc de lui que 32 caisses de spécimens. Jeanne, obligée de gagner sa vie rapidement, doit envoyer les collections au plus vite pour éviter qu'elles ne s'abîment. Voilà, tout est embarqué. Allez, c'est dernier. Allez. Dans 5 à 6 mois, les 32 caisses seront à Lorient, et dans moins d'1 an, si tout va bien, à l'Académie des sciences. C'est drôle. Elles auront fini le tour du monde avant moi. Remarque, il suffirait que j'embarque moi aussi. Déguisé en garçon, bien sûr. Mais je ne veux plus de déguisement, plus de maître. Je suis Jeanne Barret et je n'appartiens à personne. Que faire maintenant ? Lancer une auberge, pourquoi pas ? Et qu'on me fasse la cour. Peut-être même que je me marierai. Si je veux. Tiens. D'ailleurs, ce soldat là-bas, il me fait de l'œil depuis plusieurs jours, je le vois bien. Il est beau. Et bien plus jeune que Philibert, ma foi. Je crois que je vais aller lui raconter Tahiti. Thank you. Jeanne Barret, la première femme autour du monde, de Christelle Mouchard. Avec Prune Beuchat, Jeanne Barret, Jérôme Kircher, Philibert Commerson, Émeric Le Cerf, Jérôme Delalande, Joseph Fourez, François Vivez, François Kergoulet, Monsieur de Bougainville, Aurélien Ouzinski, Aotourou, et les voix de Pierre Carbonnier, Bastien Chevreau et Didier Marigou. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Manon Houssin, assistante à la réalisation Manon Dubus, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on continue de parler de Jeanne Barret avec mon invitée Christelle Mouchard. Tu sais, moi je rêve être neuve demain, dans le vent, être sève et veuve des chagrins. Souvent je rêve aussi d'ailleurs ou d'autres choses. Qui chante « Tant pis » sur France Inter, autant n'importe l'histoire. Juliette Gou réalise l'émission, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Élise Christophe. Christelle Mouchard, merci d'abord pour cette histoire joliment écrite. Nous avons donc quitté Jeanne Barret en 1773 à l'île Maurice. Philippe Commerson est mort et consciencieusement, elle s'occupe d'envoyer en France les 32 caisses de spécimens qu'ils ont récoltés ensemble. Est-ce qu'on sait ce que Jeanne va devenir après ? Oui, on connaît l'essentiel de sa vie après la mort de Commerson. Et effectivement, comme c'est suggéré à la fin de la fiction, elle a effectivement monté une auberge. Et avec l'homme qu'elle a rencontré à l'île Maurice. Effectivement, elle s'est mariée, tout bêtement. Elle a vécu une deuxième vie, on va dire, après cette aventure extraordinaire. Et elle est devenue une aubergiste reconnue. Elle a épousé un officier français qui stationnait à l'île Maurice. Et elle est repartie finalement en France. Donc c'est uniquement à ce moment-là qu'elle a bouclé son tour du monde, on peut dire. Et elle a vécu la fin de sa vie dans le village de son mari. Et elle a demandé et obtenu ce à quoi elle avait droit, c'est-à-dire l'héritage que lui laissait Commerson. Et aussi à la reconnaissance du roi, en fait, hein, ce qui est assez remarquable aussi. Hein, c'est Louis XVI a... Oui, puisqu'on est passé à Louis XVI. Voilà, c'est Louis XVI, Louis XV est mort entre-temps. Donc le nouveau roi, le jeune Louis XVI, a reconnu les services qu'elle avait rendus à l'expédition. Et c'est quand même, on sent bien que c'est une époque, à ce point de vue, exceptionnelle, parce qu'elle avait contrevenu à la loi. Et pourtant, elle a été acceptée en tant que telle, en tant que femme du peuple, devenu scientifique et ayant joué le rôle d'équipier à part entière à bord d'un navire du roi. Oui, cette histoire est vraiment extraordinaire à plus d'un titre. Donc, vous le disiez, l'histoire d'une jeune fille de paysan pauvre, peut-être illettrée, sans doute illettrée, et qui est devenue botaniste et exploratrice. Enfin, c'est un destin extraordinaire. C'est un destin extraordinaire, alors qui est une succession de rencontres, on va dire. La première étant effectivement celle de Commerson. Et la servante maîtresse, c'était un personnage finalement assez classique du XVIIIe siècle. Mais cette place, c'est là où effectivement sa composante personnelle, sa personnalité est essentielle, parce qu'elle aurait pu rester une servante maîtresse, point. Mais elle est réellement devenue botaniste par curiosité personnelle. Et c'est grâce à cela qu'elle a vécu cette aventure et qu'elle a vécu... souvent, c'est présenté comme une histoire d'amour. Alors, vous l'avez senti dans cette fiction, je n'ai pas pris cette interprétation. Je pense que c'est autre chose. Et c'est vrai qu'il y a très peu de textes, très peu de sources sur le sujet. Mais cette façon qu'il a eue de ne pas la couvrir quand elle a été découverte, cette lâcheté vraiment résolue. Hein, il a affirmé tant et plus que il n'y était pour rien. Et elle l'a soutenu dans ce sens-là. Bon, ça ne suggère pas une grande passion amoureuse quand même, mais une association, un couple de botanistes véritablement. C'est une histoire aussi de travestissement, des femmes qui se déguisent en hommes. Il y en a eu toujours dans l'histoire pour des motivations différentes. Économiques, d'émancipation, parfois d'homosexualité ou de provocation. Alors les cas que moi que j'ai vus, enfin dans les sources, c'était effectivement pour des raisons le plus souvent économiques, c'est-à-dire surtout d'abandon, des femmes qui se trouvent dans une situation d'abandon telle que il est plus prudent pour elle trouve cette solution de se déguiser pour éviter les ennuis tragiques qu'elle pourrait avoir en restant habillée en femme. On a du mal à imaginer quand même qu'une femme puisse comme ça embarquer sur un navire pendant des mois avec des hommes sans être démasquée. Qu'est-ce qu'elle risquait d'ailleurs exactement ? Alors, elle ne risquait pas grand chose finalement. Commerson risquait plus. Commerson risquait la Bastille. Puisque de toute façon, la femme était considérée comme une possession de l'homme. Elle-même était infantilisée, donc risquait peu si elle était découverte. Mais l'homme qui avait commis la faute, le crime d'embarquer une femme, c'était nécessairement pour son plaisir, donc c'était nécessairement une prostituée. Et lui, il encourait la Bastille, véritablement. Et c'est effectivement ce qui est arrivé à Kerguelen. Il a été puni pour avoir embarqué, c'est dit tel quel, pour avoir embarqué une catin dans sa cabine, qui était en fait une petite servante de 14 ans. Et Philippe Commerson, il l'a traité assez mal. Enfin, il la faisait vraiment travailler, d'ailleurs. Il la faisait vraiment travailler. Il disait que c'était sa bête de somme. Voilà, il employait le mot. Et tous les hommes, tous les témoins ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'elle travaillait, mais elle n'était pas exploitée. C'était volontaire. Ça, c'est bien dit aussi. Hein. C'est qu'elle était toujours volontaire pour toutes les manœuvres, y compris les manœuvres du bord. Ça ne montre pas une femme, ni une femme exploitée, ni une catin embarquée. Certainement. Oui, parce que dans son testament, Philibert Commerson parle de ses gages qu'il lui doit et qu'il faudra lui remettre à sa mort. Alors, est-ce vraiment à l'arrivée à Tahiti que Jeanne Barret a été découverte ? Alors là, ça c'est une grande question, parce que c'est assez contradictoire. C'est vrai qu'il y a peu de sources sur le personnage, il n'y a que 4 témoignages du voyage, en fait. Et les 4 témoignages ne racontent pas exactement la même chose. Alors, Bougainville a retenu cet épisode qui est caricatural, il faut bien le dire, hein, de ce Tahitien, des Tahitiens, homme de la nature, bon sauvage, qui, contrairement à l'homme civilisé, eux ne s'en laissent pas compter et ont tout de suite vu que c'était une femme. Oui, là, on est un peu dans la caricature. Ouais. On est dans la caricature et cette caricature, on la doit à Bougainville. Alors, pourquoi ? Probablement parce que, en fait, on le voit dans les autres témoignages, l'équipage savait. L'équipage avait deviné. Donc Bougainville aussi devait savoir. Savait-il depuis le début ? Ça, c'est un mystère. Ce qui expliquerait d'avoir attribué une très grande cabine à Commerson. qui était un peu étrange aussi. Enfin bref, s'il a choisi de retenir cet épisode d'Aoutourou, c'est parce qu'il, ainsi, auprès de ses lecteurs, il se dédouanait en disant « Bon, moi, de toute façon, je pouvais rien voir. Il fallait que ce soit vraiment un sauvage qui reconnaisse la féminité de Jeanne Barret. » Oui, par instinct. Par instinct, voilà. La découverte de Tahiti par ces Français, donc en avril 1768, c'est un moment très important aussi dans la représentation qu'on a de l'autre, enfin du sauvage. Tout à fait, dans l'histoire des idées, ça a marqué, ils ne sont restés que quelques jours, mais ça a fait une véritable rupture. Grâce au récit de Commerson, d'ailleurs. Voilà, en fait, oui, parce que Bougainville, mis à part cet épisode un peu caricaturé, est assez balancé dans son jugement sur la population, les mœurs de Tahiti. Il fait très attention, il est très rigoureux dans son observation. Ce qui n'est pas le cas de Commerson. On peut vraiment attribuer à Commerson lui-même le texte qui va créer le mythe de l'île de l'amour, de l'île où Tahiti, tout est permis. Ouais. C'est très drôle d'ailleurs les paroles que vous prêtez à ce moment-là à Jeanne. Pour elle, ces belles vahinées qui viennent offrir leur corps à ses visiteurs ne viennent pas du tout de leur plein gré. Elles sont poussées par, qui seraient soi-disant poussées par un désir naturel. Elles sont en fait contraintes par leur chef. Enfin, oui, il y a une espèce de bon sens. Il y a une structure sociale à Tahiti qui est très complexe partout, voilà. Et qui mérite des études d'ethnologie. qui ont été faites après, heureusement. Mais Commerson, lui, s'il ne voulait rien voir, c'est parce qu'il avait Rousseau en tête et il avait ce schéma parfait. Et tout d'un coup, il l'a appliqué à cette scène qu'il ne comprenait pas, en fait. Et de tout ce travail épuisant de botaniste, que restera-t-il ? Des noms de fleurs Alors, des noms de fleurs. Hein, on en garde évidemment l'hortensia et le bougainvillé. Malheureusement, ça a été beaucoup dispersé parce que c'était le gros défaut de Commerson. Il n'avait pas de rigueur. Il avait beaucoup d'imagination, beaucoup de capacité de travail et d'aventure, mais il n'a pas su transformer son travail. Et même avec l'aide de Jeanne, ce n'était pas possible. Donc quand les caisses sont arrivées en France, elles ont été dispersées. Certaines ont été gardées, données au muséum. D'autres ont atterri dans les greniers de Buffon. D'autres ont été pillés par d'autres botanistes qui se sont appropriés les herbiers. Donc c'est pour ça que Commerson n'est pas connu aujourd'hui à la hauteur de son travail. Donc Jeanne Barret va lui survivre et elle mourra en 1807, à l'âge donc de 67 ans. Merci beaucoup Christelle Mouchard. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Grandes Aventurières, publiées chez Artaud, ainsi que de Gertrude Bell, archéologue aventurière et agent secret, publiée en 2015 chez Talendier. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Excellente soirée sur France Inter.